La mort est inéluctable, incontournable. C'est la force des dieux. La mort a frappé pour de vrai au Bénin, autour d'un concert de Koffi Olomide, où j'ai perdu des frères, des sœurs, des amis. Je serai en deuil tout le reste de ma vie d'homme et tout le reste de ma carrière. Je voudrais dédier cet album aux filles, aux garçons, aux hommes et aux femmes du Bénin qui ont perdu leur vie ce jour-là dans ce stade à Cotonou parce qu'ils aimaient Koffi Olomide, parce qu'ils voulaient voir un concert de Koffi Olomide. Que Dieu, à jamais, vive avec eux et qu'ils vivent dans les jardins de Dieu, dans les cieux. Je reviendrai au Bénin. Je veux revenir au Bénin, fleurir les tombes de ses frères, de ses sœurs, de ses amis. Je voudrais revenir vite au Bénin, faire un concert de bienfaisance et rendre visite aux familles qui sont endeuillées, qui le resteront pendant longtemps, comme moi-même. Je dédie cet album au Bénin et au-delà du Bénin à toute l'Afrique. Je n'oublierai jamais les martyrs du Tchatcho. Ah, mon pas au Mokondi. Pour beaucoup de combattants, pour les combats, pour les gars. Ah, ça va, Jafoul, le roi du Sorobono. Para, para, Ninzo Maïbo. Et Joto. Mama baya na mbona, mama baya na mbona, mama baya na mbona, mama baya na mbona. Ligue des champions. Faire go la musique. Insecticide, je veux dire, insecte amique, amique. Hein? Les petites bêtes, les cafards. Insecticide, quoi. Faire go là. Quelle voix. Prenez votre plaisir. Banz nzete mosusu ezalaka ya kobota nguma te moi eleki tro voleza te mpetetre jour basunanina kosongela yo kwesite te Binda Bas, Roberto Carlos, Binda Bas, Métiol, nous propose moustiquaire, c'est-à-dire anti-chikungunya. Chikungunya non, moustiquaire net, carré, carré, carré, moustiquaire Binda Bas. Sukali na mungwa papa na Leslie Soto, Nelly Tima Dossi. Comme il est allé la calle et la calle et la caille à ta pizzoli à baleine et bouillette ou la jacanina piéton à zangi permis et à côté de sa polingo tina nino qui me tika moula n'a pas si n'a mouté maï n'a ou jamalia kapoubou yoye a vomité a banga katamo mazota koupaka na poison. Boxe sokyo sengi abando bakata kakumba ekasi bitumba ya bulingwe nasi na sengi abando basusi eza kotungisa yotikanga yena zanga ide yoza gourmand yodungi bolingo Balobiens, balobien, na balobienne. Oh. Songi, songi, les gens qui s'aiment n'aiment pas la zizanie. L'amour vint toujours, l'amour triomphe toujours. Gibson Boutoukondo, le cardinal Achan, balobiens, toboui. Toboui boya ou le balobana libala batouko batouba vanditika ba la soube. Tika no go. comme une amabelle, vous la bête, mais melinga ya mo. Na jira na koma la mote maye. Parti kala éternel langa. Famille bakolia bakomela bakobeta maboko e mama ke fuata super kimbonya makwela e papa pena redi muta na ye ya makwela e invite donne na biso mopo wa kosangati papa de filo maka kebali bala bala. Le vœu d'amour que je fais est une ordonnance de mon cœur. Ça n'est pas du bla bla bla. Simba mana loboko, la meda la me. Pochebe ali bala kaninu ya meto na makamwe mele. Ambezo mikumba nana, mbonga natika la. Pepele na libala woyo, na desenteke bunimbe. Mwaka nengo lobike yoli. Je Oh, sunga mopao mokondi amondi me poko la fortune ne vanga kuti de didi c'est la kino trope ni bongo te klein c'est karachele kote katela kanga bela jima sele zambue pharmacien, signé Ipou Pafali. Quelle belle chanson. Prenez votre plaisir. Sentiment, quand la rage a brisé l'éthique, Général-major, sommet des sommets, Montana Kamenga, le seul musicien congolais avec 6, mais avec in. Général-major. Hey! Les États-Unis, nous avons général-major à Bolingo. Signé Montana Kamenga, sommet des sommets. Ceci le bon Dieu. Sœur Nanga ba 12 balles à Sefa. Et papa chéri JB bien. Oui, bien que testament moi de mon Nanga, mais bon, mais Nanga était où? Nakimi Penda Noki l'église a promis passer, passer à la libre ma calé calé. Taï sentimenti qui nana, cosa bolingola, le colamant tout coïzana nous. Ma cosa la porte en bolacas, c'est qu'il y a pas n'importe quoi. Nazani m'a encore provisionné mon témananga. Je suis espérance. Je suis un peu Love you, eh? hospitalisé. Ils ont mis en garde malade. Moi je t'aime même pour nous. De quartier latin, Félix Tyson, auteur-compositeur de sa chanson dans l'album Danger de mort, Martins. Mado, Mado, Martins, Papa Anthony, Mado, Mado, Martins, Papa Moraï. Léon Mouikasson, G. Moutingia, Bob Mas, WW, Belge Candolo, fondé du feu. Aïmoto Nazara Kassa, qui nous vote ni en suivi. L'élo énergie est comique, les kangaïka. Germain Balaï. Bado Martins, c'est mon nom. Petit kiss qui sommeille. Bado Oye, Obomila, Koutoutonga, Dizana, Mokolo. Zola qui sommeille. La paix, si Jésus résout, les c'est sa bébé, c'est pour le commis. Bako, Toki, Moula, Zomi, Yoko, Kepio, Kokokana, Bako, Moko. Suki, Ampembe, Ebimaka, Moto, Kaka, Naki, Mobangete. Sinzete aussi missinga ina nguvite. Mado Martense, Martin Kama. Fololo ba pesa kaka kai bimete. Nabo moyo pesa kina tena weo ya kopesa. Colonel Raus, osopi petrolo kufuta petrolo. Tika yangu sopa na moto kusimba te. Magistrat Chamala, Carlos Kalungi, garçon modéré. Jésus de Londres. Martin c'est Yekola, Kolinga Moninga. Martin c'est modéré ta façon de vivre. Tania Souele. Martin c'est Yebaka, Bolingo, Tango, Moussou, Souebomaka. Souvenir, Yebaka, Bolingo, quelquefois. Motona souffle, souka, soukia, mon chéri, na yaya, lingaka. A quoi c'est forcé, kosongi, sampe, ma poisson, lola, na kama. Carlos Kalonji, vous soyez, wana ye. Danger nous soigne. Chocolat chaud, où il y a 2h du matin. Papa Fololo, je vous recommande Exploit, chanté par Junior Kingombe. On n'a pas besoin de plus, on a juste besoin de mieux. Nathalie Okita Mayemba, Maman Abel, Blaise Mayemba, Ale, la luki na ina ya motemeko kokate. Salon Abiba, Roger Makuba, Innocent Sina. Aiko na salata ma bete, sola parie, kitoko na yoko misana na dene. Mibo Sita, ata pemba na kuto mona te ma beko. Me purko poni le lo lingi na yoko kene. Kido tia Maria me isa na nyako remplace Chantal Luna. Michel Dike Moutemaya, sacré troman. Adam Bombo, le grand saoudien. Jacques de Breton. Bila Birlatus. Oh, Sambouye, Patrick Mambou, Naba, Mouye, Wana, Nana, Boy, Wana, Nana, Boy, Wana, Papi Matata Bo José y Cote Pisco système appel masqué. Jésus a y a un jour couru katana na mboka. Oye ba kite que Jésus a comme tant lobi ki nga Jésus au bondi. A qui pas voisin. Album ezanga kombo. Pau. Le plan est en a. Congo. Petit bazou, comment on a Congo. Vous avez battu. Lula, quoi, comme il est Lula, mon pas, on est dans la quai. Chez Temba, Kayembe, chez Temba, pas c'est quoi, c'est Moutambunda. Monsieur Gillette, pas c'est quoi, c'est signe chez Temba. Joya Kenza, Poteka Nazando, Nakoko Kana Kaite, souffle de ma vie, mais la liche. Mon maman a eu pesa cabasson et posa y a koyo kali. J'étais non à l'été dans la brise, le coulé la caille en zambé. Na koko talo la vie qui m'a banda. Poli ma banaka et pêche de ma. Sheila, quelle belle voix. Sheila, dans l'album Danger de mort, nous fait cadeau de diviser par deux. En amour, il ne faut jamais diviser par deux. 1 plus 1 égale 1. En amour, c'est comme ça. Pichel Mukulayanga, ambassadeur Voté Singa supérieur. Dani Dende, Real de Madrid. Freddy Mayabo. Et Dieu congé. Le roi soleil Guy Vambran de Bodine. L'heure a sonné. Salsa, zouk mélangé avec la rumba. Ça, c'est le roi soleil, auteur-compositeur de sa chanson. Thank you. sale bamuble bolingo ebaranga Al Capone, Mudungu, c'est-à-dire les galères, les souffrances, système à Gao, quoi, made in Congo. Titina Al Capone Mwinga chante, vous propose, nous propose Mudungu. Boulangerie UPAC. Marie-Louise Okunji, Annie Dembo, Mado Spaghetti, Yokoli Akwanga Mbote, Soke Bimisi, Jujunoka, Kikane Golande la Vie, Akiese Nase, Masta Okomi Kata, Misa, Mani Mandombo, Vie, Akiese Nase, Pizan Délangé, Takiva Forme, Henri Banga, La Vie Gatsa Kafé, Mustafa Kulanda, kaka na komi lelo yo aleka bango ba yibili agalera ka pentango moko takota kota ba mudungu ala ta kampe la gomme ale mbora kampe sani nanda ko ya baba be a buti kama yenda Jean-Marie Lokanga Michel Mbayabo Pétrolier, Eugène Marois, Yonne, Yeah, give me the butter, yeah, place à Viviane Westwood. Didier Moumene. Hubert Kanina. Kile Kido. Maître Yokana Bamboutou. Jacques Lomino. Yeah. Allez, allez, allez, allez.